732. Activation orale. Qui est-ce qui? Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je vais proposer une histoire. Et vous demandez? Qui est-ce qui va proposer une histoire? 2. Vous allez discuter l'histoire. Qui est-ce qui va discuter l'histoire? 3. Les jeunes gens vont avoir des aventures. Qui est-ce qui va avoir des aventures? 4. Le jeune homme parle français. Qui est-ce qui parle français? 5. La jeune fille est française. Qui est-ce qui est française? La mère de Mireille travaille au ministère de la Santé. Qui est-ce qui travaille au ministère de la Santé? 7. Le père de Robert a de l'argent. Qui est-ce qui a de l'argent?